Douzièmement, littérature socialiste. Quoi qu'on dise et qu'on fasse, l'évolution sociale se produit avec la fatalité de la pierre qui tombe. L'extension des monopoles, la centralisation des capitaux, l'agglomération des travailleurs, le progrès du machinisme, tout l'annonce. Les bourgeois eux-mêmes, emportés dans un courant d'une force irrésistible, sont quelquefois les promoteurs inconscients des réformes prochaines. Ces juifs, ces financiers qui, en animant ce réseau de succursales, enserrent tout un territoire dont ils drainent l'or dans leurs caisses, que font-ils? Ils matérialisent cette révolution que nous avons le devoir d'intellectualiser. Il est même à prévoir que la société capitaliste s'effondrera avant que la réforme mentale ne soit accomplie, avant que le peuple ne soit mûr pour un ordre de choses nouveau. C'est à nous qu'il appartient de préparer les esprits, de les ouvrir aux idées socialistes en les dégageant des préjugés héréditaires. Par toutes les manifestations de la pensée, peinture, poésie, sculpture, musique, les artistes doivent s'efforcer de faire comprendre au peuple les sublimes beautés qui sont dans le socialisme et sans les lui faire aimer. Indépendamment de l'instruction donnée dans les écoles, c'est la littérature qui exerce le plus d'influence sur la marche des idées. Malheureusement, il n'y a pas eu jusqu'à ce jour, à proprement parler, de littérature sociale. Aucun de ceux qui se sont exercés dans ce genre n'a eu la vision intégrale du but à atteindre. Les uns se sont fourvoyés dans le romantisme, les autres se sont englués dans le symbolisme ou spécialisés dans le romanisme. Le plus grand nombre, enfin, n'ont fait que bégayer quelques pensées confuses dans une langue informe. La caractéristique de cet art littéraire est la simplicité, l'ordre, la précision. C'est presque une langue mathématique, rien de personnel n'y apparaît. La pensée socialiste ne porte ni la marque des temps, ni l'empreinte des lieux. Elle est simple comme la nature, universelle comme le chiffre. Les écrivains socialistes oublient trop cela. Dans leurs ailes d'apôtres, ils négligent presque toujours la forme. Ils ont tort. Si une idée n'est pas exprimée dans l'irréductible formule qui lui est propre, c'est que l'auteur ne la possède pas complètement. Par suite, elle est inintelligible au lecteur. Que ceux qui luttent pour la réalisation de notre idéal, par le livre, sur la scène ou dans les journaux, n'aient donc qu'un objectif, la forme. C'est la condition essentielle du succès. Le jour où le socialisme sera formulé d'une façon précise, intégrale et définitive, il sera bien près de triompher.